Nombre chapitre 25. Alors Israël demeurait en Sittim, et le peuple commença à paillarder avec les filles de Moab. Car elles convièrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple y mangea, et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'accoupla à Baal-Péor, c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple, et les fais pendre devant l'Éternel, au soleil, et l'ardeur de la colère de l'Éternel se détournera d'Israël. Moïse donc dit aux juges d'Israël, que chacun de vous fasse mourir les hommes qui sont à sa charge, lesquels se sont joints à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint, et amena à ses frères une Madianite, devant Moïse et devant toute l'assemblée des enfants d'Israël, comme il pleurait à la porte du tabernacle d'assignation. Ce que Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le sacrificateur, ayant vu, il se leva du milieu de l'assemblée, et prit une javeline en sa main. Et il entra vers l'homme israélite dans la tente, et les transperça tous deux par le ventre, l'homme israélite et la femme, et la plaie fut arrêtée de dessus les enfants d'Israël. Or il y en eut 24 000 qui moururent de cette plaie. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le sacrificateur, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point consumé les enfants d'Israël par mon ardeur. C'est pourquoi, dis-lui, voici, je lui donne mon alliance de paix, et l'alliance de sacrificature perpétuelle sera tant pour lui, que pour sa postérité après lui, parce qu'il a été animé de zèle pour son Dieu, et qu'il a fait propitiation pour les enfants d'Israël. Et le nom de l'homme israélite tué, lequel fut tué avec la Madianite, était Zimri, fils de Salu, chef d'une maison de père des Siméonites. Et le nom de la femme madianite qui fut tuée, était Cosbi, fille de Tsur, chef du peuple, et de maison de père en Madian. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, serrez de près les Madianites, et les frappez, car ils vous ont serré les premiers par leurs ruses, par lesquelles ils vous ont surpris dans le fait de Péor, et dans le fait de Cosbi, fille d'un des principaux d'entre les Madianites, leur sœur, qui a été tuée le jour de la plaie arrivée pour le fait de Péor.